Des travaux sont en cours dans cette rue. C'est ce qu'indique ce panneau et c'est ce qui explique la présence de la camionnette garée le long d'un trottoir où le stationnement est normalement interdit. Il va de soi que dans ces conditions et avant de dépasser ce véhicule, je dois prendre des précautions. En effet, des ouvriers ou des piétons peuvent se déplacer derrière la camionnette et éventuellement choisir de traverser à cet endroit. Se poser des questions, c'est déjà anticiper sur les risques éventuels et c'est éviter des incidents. Réponse A et C.